ce prince avait été conduit sous un grand dôme, éclairé de 1000 lampes de cristal de roche. Autant de vases de la même matière, remplis d'un sorbet délicieux, étincelaient sur une grande table où se trouvait une profusion de mets délicats. Il y avait entre autres du riz au lait d'amande, des potages au safran et de l'agneau à la crème que le calife aimait beaucoup. Il en mangea avec excès, témoigna bien de l'amitié à l'émir dans la gaieté de son cœur et fit danser les nains malgré eux, car ses petits dévots n'osaient désobéir au commandeur des fidèles. Enfin, il s'étendit sur le sofa et dormit plus tranquillement qu'il n'avait fait de sa vie. Il régnait sous ce dôme un silence paisible que rien n'interrompait que le bruit des mâchoires de Baba Balouk, qui se refaisait du triste jeûne auquel il avait été forcé dans les montagnes. Comme il était de trop bonne humeur pour dormir et qu'il n'aimait pas à être désœuvré, il voulut aller tout de suite au harem pour soigner ses dames, voir si elles s'étaient frottées à propos de baume de la Mecque, si leurs sourcils et toutes les autres choses étaient en ordre chez elles, en un mot, pour leur rendre tous les menus services dont elles avaient besoin. Il chercha longtemps, mais sans succès, la porte qui conduisait au harem. De peur d'éveiller le calife, il n'osait crier et personne ne bougeait dans le palais. Il commençait à désespérer de venir à bout de son dessein lorsqu'il entendit un petit chuchotement. C'étaient les nains qui étaient retournés à leur ancienne occupation et qui, pour la 909e fois de leur vie, relisaient l'Alcoran. Ils invitèrent très poliment Baba Balouk à les entendre. Mais il avait bien d'autres choses à faire. Les nains, quoiqu'un peu scandalisés, lui indiquèrent le chemin des appartements qu'ils cherchaient. Il fallait, pour y arriver, passer par 100 corridors fort obscurs. Il les enfila en tâtonnant et à la fin, au bout d'une longue allée, il commença à entendre l'agréable caquet des femmes et son cœur en fut tout réjoui. « Ah ah! Vous n'êtes pas encore endormi !» s'écria-t-il en faisant de grandes enjambées. « Ne croyez pas que j'ai abdiqué ma charge. Je m'étais seulement arrêté pour manger les restes de notre maître. » Deux eunuques noirs, entendant parler si haut, se détachèrent des autres à la hâte, le sabre à la main. Mais bientôt on répéta de tous côtés « Ce n'est que Baba Balouk, ce n'est que Baba Balouk !» En effet, ce vigilant gardien s'avança vers une portière de soie incarnat, à travers laquelle luisait une clarté agréable, qui lui fit distinguer un grand bain de porphyre foncé et d'une forme ovale. D'amples rideaux tombant en grands replis entouraient ce bain. Ils étaient à demi ouverts et laissaient entrevoir des groupes de jeunes esclaves parmi lesquels Baba Balouk reconnut ses anciennes pupilles étendant mollement les bras, comme pour embrasser l'eau parfumée, et se refaire de leur fatigue. Les regards langoureux et tendres, les mots à l'oreille, les sourires enchanteurs qui accompagnaient les petites confidences, la douce odeur des roses, tout inspirait une volupté contre laquelle Baba Balouk lui-même avait de la peine à se défendre. Il garda pourtant un grand sérieux, et commanda d'un ton magistral de faire sortir ses belles de l'eau et de les peigner d'importance. Tandis qu'il donnait ses ordres, la jeune Nouronnihar, fille de l'émir, gentille comme une gazelle et pleine d'espièglerie, fit signe à une de ses esclaves de descendre tout doucement la grande escarpolette qui était attachée au plancher avec des cordons de soie. Pendant qu'on faisait cette manœuvre, elle parla des doigts aux femmes qui étaient dans le bain, et qui, bien que fâchés d'être obligés de sortir de ce séjour de mollesse, emmêlèrent leurs cheveux pour donner de l'occupation à Baba Balouk et lui faisaient mille autres niches. Quand Nouronnihar le vit prêt à perdre patience, elle s'approcha de lui avec un respect affecté et lui dit « Seigneur, il n'est pas décent que le chef des eunuques du calife, notre souverain, se tienne ainsi debout. Daignez reposer votre gentille personne sur ce sofa. » Qui se rompra de dépit s'il n'a pas l'honneur de vous recevoir. » Charmé de ses accents flatteurs, Baba Balouk répondit galamment « Délice de mes prunelles, j'accepte la proposition qui découle de vos lèvres sucrées. Et à dire vrai, mes sens sont affaiblis par l'admiration que m'a causée la splendeur rayonnante de vos charmes. » « Reposez-vous donc, » reprit la belle en le plaçant sur le prétendu sofa. Tout à coup, la machine partit comme un éclair. Toutes les femmes, voyant alors de quoi il s'agissait, sortirent nues du bain et se mirent follement à donner le branle à l'escarpolette. Dans peu, elle parcourut tout l'espace d'un dôme fort élevé et faisait perdre la respiration à l'infortuné Baba Balouk. Quelquefois il rasait l'eau et quelquefois il allait donner du nez contre les vitres. En vain, il remplissait l'air de ses cris avec une voix qui ressemblait au son d'un pot cassé. Les éclats de rire ne permettaient pas de les entendre. Nourouniar, ivre de jeunesse et de gaieté, était bien accoutumée aux eunuques des harems ordinaires, mais elle n'en avait jamais vu d'aussi dégoûtant ni d'aussi royal. Aussi se divertissait-elle plus que toutes les autres. Enfin, elle se mit à parodier des vers persans et chanta « Douce et blanche colombe qui vole dans les airs, donne quelques yades à ta fidèle compagne. Gazouillant rossignol, je suis ta rose. Chante-moi donc quelques couplets agréables. » Les sultanes et les esclaves, animés par ces plaisanteries, firent tant jouer l'escarpolette que la corde se cassa et que le pauvre Baba Balouk tomba comme une tortue au milieu du bain. Il se fit un cri général. 12 petites portes qu'on n'apercevait pas s'ouvrir, et l'on s'échappa bien vite après lui avoir jeté tous les linges sur la tête et avoir éteint les lumières. Le déplorable animal, dont l'eau jusqu'au col et dans l'obscurité, ne pouvait se débarrasser du fatras qu'on lui avait jeté, et entendait, à sa grande douleur, des éclats de rire de tous côtés. C'était en vain qu'il se débattait pour sortir du bain. Le bord, tout imbibé de l'huile qui avait coulé des lampes cassées, le faisait glisser et retomber avec un bruit sourd qui résonnait dans le dôme. À chaque chute, les maudits éclats de rire redoublaient. Croyant ce lieu habité par des démons plutôt que par des femmes, il prit le parti de ne plus tâtonner et de rester strictement dans le bain. Son humeur s'exhala en soliloque rempli d'imprécations, dont ses malicieuses voisines, nonchalamment couchées ensemble, ne perdaient pas un mot. Le matin le surprit dans ce bel état. On le tira enfin de dessous le monceau de linge, à demi étouffé et trempé jusqu'aux os. Le calife l'avait fait chercher partout, et il se présenta devant son maître en boitant et en claquant des dents. Vatek s'écria en le voyant dans cet état. « Qu'as-tu donc? Qu'est-ce qui t'a mis à la marinade? Et vous-même, qui vous a fait entrer dans ce mauvais gîte ?» demanda Baba Balouk à son tour. « Est-ce qu'un monarque tel que vous doit venir se fourrer avec son harem chez un barbon d'émir qui ne sait pas vivre? Les gracieuses demoiselles qu'il tient ici, imaginez-vous qu'elles m'ont trempé comme une croûte de pain et m'ont fait danser toute la nuit sur leur maudite escarpolette comme un saltimbanque. Voilà un bel exemple pour vos sultanes, à qui j'avais inspiré tant de bienséance. » Vatek, ne comprenant rien à ce discours, se fit expliquer toute l'histoire. Mais au lieu de plaindre le pauvre air, il se mit de toute sa force à rire de la figure qu'il devait faire sur l'escarpolette. Baba Balouk en fut outré, et peu s'en fallut qu'il ne perdît tout respect. « Riez, riez, seigneur, » disait-il. « Je voudrais que cette Nourouniar vous joue aussi quelques tours. Elle est assez méchante pour ne pas vous épargner vous-même. » Ces mots ne firent pas d'abord une grande impression sur le calife, mais il s'en ressouvint dans la suite. Au milieu de cette conversation, arriva Fakreddin pour inviter Vatek à des prières solennelles et aux ablutions qui se faisaient dans une vaste prairie, arrosée par une infinité de ruisseaux. Le calife trouva l'eau fraîche, mais les prières ennuyeuses à mort. Il se divertissait pourtant de la multitude de calenders, de santons et de derviches qui allaient et venaient dans la prairie. Les brahmanes, les fakirs et autres cagots venus des grandes Indes, et qui en voyageant s'étaient arrêtés chez l'émir, l'amusaient surtout beaucoup. Ils avaient tous quelques momeries favorites. Les uns traînaient une grande chaîne, les autres un orang-outan, d'autres étaient armés de discipline. Tous réussissaient à merveille dans leurs différents exercices. On en voyait qui grimpaient sur les arbres, tenaient un pied en l'air, se balançaient sur un petit feu et se donnaient des nasardes sans pitié. Il y en avait aussi qui chérissaient la vermine et celle-ci ne répondait pas mal à leurs caresses. Ces cagots ambulants soulevaient le cœur des derviches, des calenders et des santons. On les avait rassemblés dans l'espoir que la présence du calife les guérirait de leur folie et les convertirait à la foi musulmane. Mais, hélas, on se trompa beaucoup. Au lieu de les prêcher, Vatek les traita comme des bouffons leur dit de faire ses compliments à Vishnu et à Ixora, et se prit de fantaisie pour un gros vieillard de l'île de Serendip qui était le plus ridicule de tous. « Ah ça !» lui dit-il, « pour l'amour de tes dieux, fais quelques gambades qui m'amusent. » Le vieillard offensé se mit à pleurer, et comme il était un vilain pleureur, Vatek lui tourna le dos. Baba Balouk, qui suivait le calife avec un parasol, lui dit alors « Que votre majesté prenne garde à cette canaille. Quel diable d'idée de la rassembler ici ! Faut-il qu'un grand monarque soit régalé d'un tel spectacle, avec des intermèdes de tel à point plus galeux que des chiens ? Si j'étais vous, j'ordonnerais un grand feu, et je purgerais la terre de l'émir, de son harem et de toute sa ménagerie. Tais-toi ! Répondit Vatek. Tout ceci m'amuse infiniment, et je ne quitterai pas la prairie que je n'ai vérifié tous les animaux qui l'habitent. » À mesure que le calife allait en avant, on lui présentait toutes sortes d'objets pitoyables. Des aveugles, des demi-aveugles, des messieurs sans nez, des dames sans oreilles, et le tout pour relever la grande charité de Fakreddin qui, avec ses barbons, distribuait à la ronde les cataplasmes et les emplâtres. À midi, il se fit une superbe entrée d'estropiés, et bientôt on vit dans la plaine les plus jolies sociétés d'infirmes. Les aveugles, en tâtonnant, allaient avec les aveugles. Les boiteux clochaient ensemble, et les manchots gesticulaient du seul bras qui leur resta. Aux abords d'une grande chute d'eau se trouvaient les sourds. Ceux de Pégu avaient les oreilles les plus belles et les plus larges, et jouissaient de l'agrément d'entendre encore moins que les autres. Ce lieu était aussi le rendez-vous de superfluités en tout genre, comme des goîtres, des bosses et même des cornes, dont plusieurs avaient un poli admirable. L'émir voulut rendre la fête solennelle et faire tous les honneurs possibles à son illustre convive. En conséquence, il fit étendre sur le gazon une multitude de pots et de nappes. On servit des pilans de toutes les couleurs et autres mets orthodoxes pour les bons musulmans. Batek, qui était honteusement tolérant, avait eu le soin d'ordonner des petits plats d'abomination qui scandalisaient les fidèles. Bientôt, toute la sainte assemblée se mit à manger de son mieux. Le calife eut envie d'en faire autant, et malgré toutes les remontrances du chef des eunuques, il voulut dîner sur le lieu même. Aussitôt, l'émir fit dresser une table à l'ombre des saules. Au premier service, on donna du poisson tiré d'une rivière qui coulait sur un sable doré au pied d'une colline fort haute. On rôtissait ce poisson à mesure qu'on le prenait, et on l'assaisonnait ensuite avec des fines herbes du mont Sina, car chez l'émir, tout était aussi pieux qu'excellent. On était aux entremets du festin, quand tout à coup un son mélodieux de luth, que répétaient les échos, se fit entendre sur la colline. Le calife, saisi d'étonnement et de plaisir, leva la tête, et lui tomba sur le visage un bouquet de jasmin. Mille éclats de rire succédèrent à cette petite niche, et à travers les buissons on aperçut les formes élégantes de plusieurs jeunes filles qui sautillaient comme des chevreuils. L'odeur de leurs chevelures parfumées parvint jusqu'à Vatek. Il suspendit son repas, et comme enchanté, il dit à Baba Balouk, « Les péris sont-elles descendues de leur sphère ?» Vois-tu celle dont la taille est si déliée qui court avec tant d'intrépidité sur les bords des précipices et qui, en tournant sa tête, semble ne faire attention qu'aux gracieux replis de sa robe? Avec quelle jolie petite impatience elle dispute son voile au buisson. Serait-ce elle qui m'a jeté les jasmins? Oh, c'est bien elle, répondit Baba Balouk. Elle se réfie à vous jeter vous-même du rocher en bas, je la reconnais. « C'est ma bonne amie, Nourouniar, qui m'a si joliment prêté son escarpolette. »« Allons, mon cher seigneur et maître, » continua-t-il en rompant une branche de saule, « permettez-moi de l'aller fustiger pour vous avoir manqué de respect. » L'émir ne saurait s'en plaindre, car sauf ce que je dois à sa piété, il a grand tort de tenir un troupeau de demoiselles sur les montagnes. L'air vif donne trop d'activité aux pensées. « Paix !» « Blasphémateur, » dit le calife, « ne parle pas ainsi de celle qui entraîne mon cœur sur ces montagnes. Fais plutôt que mes yeux se fixent sur les siens et que je puisse respirer sa douce haleine. Avec quelle grâce et quelle légèreté elle court palpitant dans ces lieux champêtres. » En disant ces mots, Vatek étendit ses bras vers la colline élevant les yeux avec une agitation qu'il n'avait jamais sentie, il cherchait à ne pas perdre de vue celle qu'il avait déjà captivée. Mais sa course était aussi difficile à suivre que le vol d'un de ces beaux papillons azurés de Cachemire, si rares et si sémillants. Vatek, non content de voir Nouronnihar, voulait aussi l'entendre et prêtait avidement l'oreille pour distinguer ses accents. Enfin, il entendit ce qu'elle disait à une de ses compagnes en chuchotant derrière le petit buisson d'où elle avait jeté le bouquet. « Il faut avouer qu'un calife est une belle chose à voir. Mais mon petit Gulchenrouz est bien plus aimable. Une tresse de sa douce chevelure vaut mieux que toute la riche broderie des Indes. J'aime mieux que ses dents me serrent malicieusement le doigt que la plus belle bague du trésor impérial. Où l'as-tu laissé, sous les mémés? Pourquoi n'est-il pas ici ?» Le calife inquiet aurait bien voulu en entendre davantage, mais elle s'éloigna avec toutes ses esclaves. L'amoureux monarque la suivit des yeux jusqu'à ce qu'il l'eût perdue de vue, et demeura tel qu'un voyageur égaré pendant la nuit à qui les nuages dérobent la constellation qui le dirige. Un rideau de ténèbres semblait s'être abaissé devant lui. Tout lui paraissait décoloré, tout avait pour lui changé de face. Le bruit du ruisseau portait la mélancolie dans son âme, et ses larmes tombaient sur les jasmins qu'il avait recueillis dans son sein brûlant. Il ramassa même quelques cailloux pour se ressouvenir de l'endroit où il avait senti les premiers élans d'une passion qui jusqu'alors lui avait été inconnue. Mille fois il avait tâché de s'en éloigner, mais c'était en vain. Une douce langueur absorbait son âme. Étendu au bord du ruisseau, il ne cessait de tourner ses regards vers la cime bleuâtre de la montagne. « Que me caches-tu, rocher impitoyable ? » s'écriait-il. « Qu'est-elle devenue ? Qu'est-ce qui se passe dans tes solitudes ? Ciel, peut-être en ce moment elle erre dans tes grottes avec son heureux Gulchenrouz ?» Cependant le serein commençait à tomber. L'amir, inquiet pour la santé du calife, fit avancer la litière impériale. Vatek s'y laissa porter sans s'en apercevoir et fut ramené dans le superbe salon où il avait été reçu la veille. Mais laissons le calife livré à sa nouvelle passion et suivons sur les rochers Nouronnihar qui avait enfin rejoint son cher petit Gulchenrouz. Ce Gulchenrouz était le seul enfant d'Ali Hassan, frère de l'émir, et la créature de l'univers la plus délicate, la plus aimable. Depuis 10 ans, son père était parti pour voyager sur des mers inconnues et l'avait confié aux soins de Fakreddin. Gulchenrouz savait écrire en différents caractères avec une précision merveilleuse et peignait sur le vélin les plus jolies arabesques du monde. Sa voix était douce et il l'accordait avec le luth de la manière la plus attendrissante. Quand il chantait les amours de Meynoum et de Leïla, ou de quelques autres amants infortunés de ces siècles antiques, les larmes baignaient les yeux de ses auditeurs. Ses vers, car comme Meynoum il était poète, inspiraient une langueur et une mollesse bien dangereuses pour les femmes. Toutes l'aimaient à la folie, et quoiqu'il eût 13 ans, on n'avait pas encore pu l'arracher du harem. Sa danse était légère comme celle de ces duvets que font voltiger dans l'air les zéphyrs du printemps. Mais ses bras, qui s'entrelaçaient si gracieusement avec ceux des jeunes filles lorsqu'il dansait, ne pouvaient pas lancer les dards à la chasse, ni dompter les chevaux fougueux que son oncle nourrissait dans ses pâturages. Il tirait pourtant de l'arc d'une main sûre, et il aurait devancé tous les jeunes gens à la course si on avait osé rompre les liens de soie qui l'attachaient à Nouronnihar. Les deux frères avaient mutuellement engagé leurs enfants l'un à l'autre, et Nouronnihar aimait son cousin encore plus que ses propres yeux, tout beaux qu'ils étaient. Ils avaient tous deux les mêmes goûts et les mêmes occupations, les mêmes regards longs et languissants, la même chevelure, la même blancheur. Et quand Gulchenrouz se parait des robes de sa cousine, il semblait être plus femme qu'elle. Si par hasard il sortait un moment du harem pour aller chez Fakreddin, c'était avec la timidité du faon qui s'est séparé de la biche. Avec tout cela, il avait assez d'espièglerie pour se moquer des barbons solennels. Aussi le tensait-il quelquefois sans pitié. Alors il se plongea avec transport dans l'intérieur du harem, tirait toutes les portières sur lui et se réfugiait en sanglotant dans les bras de Nouronnihar. Elle aimait ses fautes plus qu'on n'a jamais aimé les vertus. Or, Nouronnihar, après avoir laissé le calife dans la prairie, courut avec Gulchenrouz sur les montagnes tapissées de gazon qui protégeait la vallée où Fakreddin faisait sa résidence. Le soleil quittait l'horizon, et ces jeunes gens, dont l'imagination était vive et exaltée, crurent voir dans les beaux nuages du couchant les dômes de Sadoukian et d'Amrébad, où les péris font leur demeure. Nourognar s'était assise sur le penchant de la colline et tenait la tête parfumée de Gulchenrouz sur ses genoux. Mais l'arrivée imprévue du calife et l'éclat qui l'environnait avaient déjà troublé son âme ardente. Entraînée par sa vanité, elle n'avait pu s'empêcher de se faire remarquer de ce prince. Elle avait bien vu qu'il ramassait les jasmins qu'elle lui avait jetés, et son amour-propre en était flatté. Aussi fut-elle tout troublée lorsque Gulchenrouz s'avisa de lui demander ce qu'était devenu le bouquet qu'il avait cueilli. Pour toute réponse, elle le baisa au front, et s'est enlevée à la hâte, elle se promena à grands pas dans une agitation et une inquiétude qu'on ne saurait décrire. Cependant la nuit avançait. L'or pur du soleil couchant avait fait place à un rouge sanguin. Des couleurs comme celles d'une fournaise ardente donnaient sur les joues enflammées de Nourognar. Le pauvre petit Gulchenrouz s'en aperçut. Il tressaillait jusqu'au fond de son âme de ce que son aimable cousine était si agitée. Retirons-nous, lui dit-il d'une voix timide. Il y a quelque chose de funeste dans les cieux. Ces tamarins tremblent plus qu'à l'ordinaire, et ce vent me glace le cœur. Allons, retirons-nous. Cette soirée est bien lugubre. En disant ces mots, il avait pris Nourognar par la main et l'entraînait de toutes ses forces. Celle-ci le suivit sans savoir ce qu'elle faisait. Mille idées étranges roulaient dans son esprit. Elle passa un grand rond de chèvrefeuille qu'elle aimait beaucoup sans y faire attention. Gulchenrouz seul, quoiqu'il courait comme si une bête sauvage était à ses trousses, ne put s'empêcher d'en arracher quelques tiges. Les jeunes filles, les voyant venir si vite, crurent que, selon leur coutume, ils voulaient danser. Aussitôt, elles s'assemblèrent en cercle et se prirent par la main. Mais Gulchenrouz, hors d'haleine, se laissa aller sur la mousse. Alors, la consternation se répandit parmi cette troupe folâtre. Nourognar, presque hors d'elle-même et aussi fatiguée du tumulte de ses pensées que de la course qu'elle venait de faire, se jeta sur lui. Elle prit ses petites mains glacées, les réchauffa dans son sein et frotta ses tempes d'une pommade odoriférante. Enfin, il revint à lui et, s'enveloppant la tête dans la robe de Nourognar, la supplia de ne pas retourner encore au harem. Il craignait d'être grondé par Shaban, son gouverneur, vieil eunuque ridé et qui n'était pas des plus doux. Ce gardien rébarbatif aurait trouvé mauvais qu'il eût dérangé la promenade accoutumée de Nourognar. Toute la bande s'assit donc en rond sur la pelouse et on commença mille jeux enfantins. Les eunuques se placèrent à quelque distance et s'entretinrent ensemble. Tout le monde était joyeux, Nourognar resta pensive et abattue. La nourrice s'en aperçut et se mit à faire des contes plaisants auxquels Gulchenrouz, qui avait déjà oublié toutes ses inquiétudes, prenait grand plaisir. Il riait, il battait des mains et faisait son petite niche à toute la compagnie, même aux eunuques, qu'il voulait absolument faire courir après lui, en dépit de leur âge et de leur décrépitude. Sur ces entrefaites, la lune se leva. La soirée était délicieuse et on se trouva si bien qu'on résolut de souper au grand air. Un des eunuques courut chercher des melons. Les autres firent pleuvoir des amandes fraîches en secouant les arbres qui ombrageaient l'aimable bande. Soutes les mémés, qui excellaient à faire des salades, remplit des grandes jattes de porcelaine d'herbes les plus délicates, deux de petits oiseaux, de lait caillé, de jus de citron et de tranches de concombre, et en servit à la ronde avec une grande cuillère de coque-noce. Mais Gulchenrouz, niché à son ordinaire dans le sein de Nourognar, fermait ses petites lèvres vermeilles lorsque toutes les mémés lui présentaient quelque chose. Il ne voulait rien recevoir que de la main de sa cousine et s'attachait à sa bouche comme une abeille qui s'enivre du suc des fleurs. Pendant l'allégresse, qui était générale, on vit une lumière sur la cime de la plus haute montagne. Cette lumière répandait une clarté douce, et on l'aurait prise pour celle de la lune en son plein, si cet astre n'eût pas été sur l'horizon. Ce spectacle causa une émotion générale. on s'épuisait en conjectures. Ce ne pouvait pas être l'effet d'un embrasement, car la lumière était claire et bleuâtre. Jamais on n'avait vu de météore d'un tel coloris, ni de cette grandeur. À un moment, cette étrange clarté devenait pâle. Un instant après, elle se ranimait. D'abord, on la crut fixée sur le pic du rocher. Tout à coup, elle le quitta et étincela dans un bois touffu de palmiers. De là, se portant le long des torrents, elle s'arrêta enfin à l'entrée d'un vallon étroit et ténébreux. Gulchenrouz, dont le cœur frissonnait à tout ce qui était imprévu et extraordinaire, tremblait de peur. Il tirait Nouronia par sa robe et la suppliait de retourner au harem. Les femmes en firent de même, mais la curiosité de la fille de l'émir était trop forte, elle l'emporta. À tout hasard, elle voulut courir après le phénomène. Pendant qu'on disputait ainsi, il partit de la lumière un trait de feu si éblouissant que tout le monde se sauva en jetant de grands cris. Nouronia fit aussi quelques pas en arrière. Bientôt elle s'arrêta et s'avança du côté du phénomène. Le globe s'était fixé dans le vallon et y brûlait dans un majestueux silence. Nouronia, croisant alors les mains sur sa poitrine, hésita quelques moments. La peur de Gulchenrouz, la solitude profonde où elle se trouvait pour la première fois de sa vie, le calme imposant de la nuit, tout concourait à l'épouvanter. Plus de 1000 fois, elle fut sur le point de s'en retourner. Mais le globe lumineux se retrouvait toujours devant elle. Poussée par une impulsion irrésistible, elle s'en approcha au travers des ronces et des épines, et malgré tous les obstacles qui devaient naturellement arrêter ses pas. Lorsqu'elle fut à l'entrée du vallon, d'épaisses ténèbres l'environnèrent tout à coup, et elle n'aperçut plus qu'une faible étincelle qui était fort éloignée. Le bruit des chutes d'eau, le froissement des branches de palmiers et les cris funèbres et ininterrompus des oiseaux qui habitaient les troncs d'arbres. Tout portait la terreur dans son âme. À chaque instant, elle croyait fouler aux pieds quelques reptiles venimeux. Les histoires qu'on lui avait contées de dives malins et des sombres goules lui revinrent dans l'esprit. Elle s'arrêta pour la seconde fois, mais la curiosité l'emporta encore et elle prit courageusement un sentier tortueux qui conduisait vers l'étincelle. Jusqu'alors, elle avait su où elle était. Elle ne se fut pas plus engagée dans le sentier qu'elle se perdit. « Hélas, disait-elle, que ne suis-je dans ces appartements sûrs et si bien illuminés où mes soirées s'écoulaient avec Gulchenrouz ? Cher enfant, comme tu palpiterais si tu errais comme moi dans ces profondes solitudes !» En parlant ainsi, elle avança toujours. Soudain, des degrés pratiqués dans le roc se présentèrent à ses yeux. La lumière augmentait et paraissait sur sa tête au plus haut de la montagne. Elle monta audacieusement les degrés. Lorsqu'elle fut parvenue à une certaine hauteur, la lumière lui parut sortir d'une espèce d'antre. Des sons plaintifs et mélodieux s'y faisaient entendre. C'était comme des voix qui formaient une sorte de chant, semblable aux hymnes qu'on chante sur les tombeaux. Un bruit comme celui qu'on fait en remplissant des bains frappa en même temps ses oreilles. Elle découvrit de grands cierges flamboyants plantés çà et là dans les crevasses du rocher. Cet appareil la glaça d'épouvante. Cependant, elle continua de monter. L'odeur subtile et violente qu'exhalaient ces cierges la ranima et elle arriva à l'entrée de la grotte. Dans cette espèce d'extase, elle jeta les yeux vers l'intérieur et vit une grande cuve d'or remplie d'une eau dont la suave vapeur distillait sur son visage une pluie d'essence de rose. Une douce symphonie résonnait dans la caverne. Sur les bords de la cuve se trouvaient des habillements royaux, des diadèmes et des plumes de hérons, toutes étincelantes d'escarboucles. Pendant qu'elle admirait cette magnificence, la musique cessa, et une voix se fit entendre disant « Pour quel monarque a-t-on allumé ces cierges ? Préparer ce bain et ces habillements qui ne conviennent qu'aux souverains, non seulement de la terre, mais même des puissances talismaniques. » C'est pour la charmante fille de l'émir Fakreddin, répondit une seconde voix. Quoi ? Repartit la première. Pour cette folâtre qui consume son temps avec un enfant volage, noyé dans la mollesse, et qui ne fera jamais qu'un mari pitoyable ? Que me dis-tu ? Reprit l'autre voix. pourrait-elle s'amuser à de telles niaiseries? Quand le calife brûle d'amour pour elle, le souverain du monde, celui qui doit jouir des trésors des sultans pré-adamites, un prince qui a 6 pieds de haut et dont l'œil pénètre jusqu'à la moelle des jeunes filles? Non, elle ne saurait rejeter une passion qui la comble de gloire, et elle méprisera son joujou enfantin. Alors toutes les richesses qui sont en ce lieu, ainsi que l'escarboucle de Jamshid, lui appartiendront. « Je crois que tu as raison, » dit la première voix, « et je vais à Istakhar préparer le palais du feu souterrain pour recevoir les deux époux. » Les voix cessèrent, les flambeaux s'éteignirent, l'obscurité la plus épaisse succéda à la rayonnante clarté, et Nouronnihar se trouva étendue tout de son long sur un sofa dans le harem de son père. Elle frappa des mains, et aussitôt accoururent Gulchenrouz et ses femmes, qui se désespéraient de l'avoir perdue et avaient envoyé les eunuques pour la chercher partout. Shaban parut aussi, et la gronda d'importance. « Petite impertinente, » disait-il, « ou vous avez de fausses clés, ou vous êtes aimée de quelques djinns qui vous donnent des passe-partout. Je vais voir quelle est votre puissance. Entrez vite dans la chambre de Lucarne, et ne comptez pas que Gulchenrouz vous y accompagne. Allons, marchez, madame. Je vais vous y enfermer à double tour. » À ces menaces, Nouronnihar leva sa tête altière et ouvrir sur Shaban ses yeux noirs, beaucoup agrandis depuis le dialogue de la grotte merveilleuse. « Va, lui dit-elle, parle ainsi à des esclaves, mais respecte celle qui est née pour donner des lois et soumettre tout à son empire. » Elle allait continuer sur le même ton quand on entendit crier « Voici le calife, voici le calife !» Aussitôt toutes les portières furent tirées, les esclaves se prosternèrent en double rang, et le pauvre petit Gulchenrouz se cacha sous une estrade. D'abord on vit paraître une file de nuques noires, traînant après eux de longues robes de mousseline brochées d'or. Ils tenaient dans leurs mains des cassolettes qui répandaient un doux parfum de bois d'aloès. Ensuite marchait gravement Baba Balouk, qui n'était pas trop content de la visite, et branlait la tête. Batek, habillé magnifiquement, le suivait de près. Sa démarche était noble et aisée. On aurait admiré sa bonne mine, quand même il n'eût pas été le souverain du monde. Il s'approcha de Nouronnihar, et lorsqu'il eut fixé ses yeux rayonnants, qu'il avait seulement entrevus, il fut tout hors de lui. Nouronnihar s'en aperçut, et elle les baissa aussitôt, mais son trouble augmentait sa beauté et enflammait davantage le cœur de Batek. Baba Balouk, connaisseur en Paris affaires, vit qu'un mauvais jeu il fallait faire bonne mine, et fit signe à tout le monde de se retirer. Il parcourut tous les coins de la salle pour voir si personne ne s'y était caché, et vit des pieds qui sortaient du bas de l'estrade. Baba Balouk les tira lui sans cérémonie, et voyant que c'était ceux de Gulchenrouz, il le mit sur ses épaules, et l'emporta en lui faisant 1000 odieuses caresses. Le petit criait et se débattait, ses joues devinrent rouges comme la fleur de grenade, et ses yeux humides étincelaient de dépit. Dans son désespoir, il jeta un regard si significatif à Nouronnihar que le calife s'en aperçut et dit « Serait-ce là votre Gulchenrouz ?»« Souverain du monde, » répondit-elle, « épargnez mon cousin, dont l'innocence et la douceur ne méritent pas votre colère. »« Rassurez-vous, » reprit Batek en souriant, « il est en de bonnes mains. » Baba Balouk aime les enfants et n'est jamais sans dragée ni confiture. » La fille de Fakhreddin, toute confondue, laissa emporter Gulchenrouz sans dire une parole. Cependant, le mouvement du sein de Nouronnihar découvrait l'agitation de son cœur. Batek en était transporté et se livrait à tout le délire de sa plus vive passion. On ne lui opposait plus qu'une faible résistance lorsque l'émir, entrant subitement, se jeta aux pieds du calife, le front contre terre. « Commandeur des croyants, lui dit-il, ne vous abaissez pas jusqu'à votre esclave. » Non, émir, repartit Batek, je l'élève plutôt jusqu'à moi. Je la déclare mon épouse, et la gloire de votre famille s'étendra de génération en génération. Hélas, seigneur, répondit Fakhreddin en s'arrachant quelques poils de la barbe, abrégez les jours de votre fidèle serviteur avant qu'il manque à sa parole. Nouronnihar est solennellement promise à Gulchenrouz, le fils de mon frère Ali Hassan. Leurs cœurs sont unis. la foi est réciproquement donnée. On ne saurait violer des engagements aussi sacrés. Quoi ? Répliqua brusquement le calife. Tu veux livrer cette beauté divine à un mari encore plus femme qu'elle ? Tu crois que je laisserai flétrir ses charmes sous des mains si lâches et si faibles ? Non, c'est dans mes bras qu'elle doit passer sa vie. Tel est mon plaisir. Retire-toi, et ne trouble pas cette nuit que je consacre au culte de ses attraits. L'émir, outré, tire alors son sabre, le présenta à Vatek, et tendant son col, il lui dit d'un ton ferme « Seigneur, frappez votre hôte infortuné. Il a trop vécu puisqu'il a le malheur de voir que le vicaire du prophète viole les saintes lois de l'hospitalité. » Nouronihar, qui était restée interdite pendant toute cette scène, ne put soutenir davantage le combat des diverses passions qui bouleversaient son âme. Elle tomba en défaillance, et Vatek, aussi effrayé pour sa vie que furieux de trouver de la résistance, dit à Fakreddin « Secourez votre fille !» Et il se retira en lui lançant son terrible regard. Le malheureux émir tomba sur le champ à la renverse, baigné dans une sueur mortelle. Gulchenrouz, de son côté, s'était échappé des mains de Baba Malouk et revenait en ce moment lorsqu'il vit Fakreddin et sa fille étendues par terre. Il cria au secours tant qu'il put. Ce pauvre enfant tâchait de ranimer Nouronihar par ses caresses. Pâle et haletant, il ne cessait de baiser la bouche de son amante. Enfin, la douce chaleur de ses lèvres la fit revenir, et bientôt elle reprit tous ses sens. Lorsque Fakreddin fut remis de l'œillade du calife, il se mit sur son séant, et regardant autour de lui pour voir si ce dangereux prince était sorti, il fit appeler Shaban et Sout les mémés, et les tirant à part, il leur dit « Mes amis, au grand mot, il faut des remèdes violents. Le calife porte l'horreur et la désolation dans ma famille. Je ne saurais résister à sa puissance. Un autre de ses regards me mettrait au tombeau. Qu'on me donne de cette poudre assoupissante qu'un derviche apporta de l'Arakan. J'en donnerai à ces deux enfants une dose dont l'effet dure 3 jours. Le calife les croira morts. Alors, feignant désenterrés, nous les porterons dans la caverne de la vénérable Meimouné, à l'entrée du grand désert de sable, près de la cabane de Ménin. Et quand tout le monde sera retiré, vous, Shaban, avec 4 eunuques choisis, vous les transporterez près du lac où vous aurez fait porter des provisions pour 1 mois. 1 jour pour la surprise, 5 pour les pleurs, 15 pour les réflexions, et le reste pour se préparer à se remettre en marche. Voilà, selon mon calcul, tout le temps que Vatek prendra, et j'en serai quitte. « L'idée est bonne, » dit Sout les mémés. « Il en faut tirer tout le parti possible. » Nouronihar me paraît avoir du goût pour le calife. Soyez sûr qu'aussi longtemps qu'elle le saura ici, malgré tout son attachement pour Gulchenrouz, nous ne pourrons pas la faire tenir dans ces montagnes. Persuadons-lui qu'elle est réellement morte ainsi que Gulchenrouz, et que tous deux ont été transportés dans ces rochers pour y expier les petites fautes que l'amour leur a fait commettre. Nous leur dirons que nous nous sommes tués de désespoir, et vos petits nains, qu'ils n'ont jamais vus, leur paraîtront des personnages extraordinaires. Les sermons qu'ils leur feront produiront un grand effet sur eux, et je gage que tout se passera le mieux du monde. « J'approuve ton idée, » dit Fakreddin. « Mettons la main à l'œuvre. » Aussitôt, on alla chercher la poudre. On la mit dans du sorbet, et Nouronihar et Gulchenrouz, sans se douter de rien, avalèrent le mélange. 1 heure après, ils sentirent des angoisses et des palpitations de cœur. Un engourdissement universel s'empara d'eux. Ils se levèrent, et montant l'estrade avec peine, ils s'étendirent sur le sofa. « Réchauffe-moi, ma chère Nouronihar, » disait Gulchenrouz, en la tenant étroitement embrassée. « Mets ta main sur mon cœur, il est de glace. »« Ah, tu es aussi froide que moi. » « Le calife nous aurait-il tués tous les deux avec son terrible regard ?» « Je meurs, » repartit Nouronihar d'une voix éteinte. « Serre-moi. Que du moins j'exhale mon âme sur tes lèvres. » Le tendre Gulchenrouz poussa un profond soupir, leurs bras tombèrent, et ils n'en dirent pas davantage. Tous les deux restèrent comme morts. Alors, de grands cris retentirent dans le harem. Shaban et Sout les mémés jouèrent les désespérés avec beaucoup d'adresse. L'émir, fâché d'en venir à ses extrémités, faisait pour la première fois l'épreuve de la poudre et n'avait pas besoin de contrefaire l'affligé. On avait éteint les lumières. Deux lampes jetaient une triste lueur sur le visage de ces belles fleurs, qu'on croyait fanées dans le printemps de leur vie, et les esclaves, qui s'étaient rassemblés de toutes parts, restèrent immobiles au spectacle qui s'offrait à leurs yeux. On apporta les vêtements funèbres, on lava leur corps avec de l'eau de rose, on les revêtit de simarres plus blanches que l'albâtre, et leurs belles tresses, nouées ensemble, furent parfumées des odeurs les plus exquises. On allait poser sur leur tête de couronnes de jasmin, leur fleur favorite, lorsque le calife qui venait d'apprendre cet événement tragique arriva. Il était aussi pâle et hagard que les goules qui errent la nuit dans les sépulcres. Dans cette circonstance, il s'oublia lui-même et le monde entier. Il se précipita au milieu des esclaves, se prosterna au pied de l'estrade et, se frappant la poitrine, il se qualifiait d'atroce meurtrier et faisait mille imprécations contre lui-même. Mais, lorsque d'une main tremblante il eut levé le voile qui couvrait le visage blême de Nourouniar, il jeta un grand cri et tomba comme mort. Le chef des eunuques fit d'horribles grimaces et l'emporta sur le champ en disant « Je l'avais bien prévu que Nourouniar lui jouerait quelque mauvais tour. » Dès que le calife fut éloigné, l'émir commença les cercueils et fit défendre l'entrée du harem. On ferma toutes les fenêtres, on brisa tous les instruments de musique et les imams commencèrent à réciter des prières. Les pleurs et les lamentations redoublèrent dans la soirée qui suivit ce jour lugubre. Quant à Batek, il gémissait en silence. On avait été obligé d'assoupir les convulsions de sa rage et de sa douleur en lui donnant des remèdes calmants. À la pointe du jour suivant, on ouvrit les grands battants des portes du palais et le convoi se mit en marche pour se rendre à la montagne. Les tristes cris de Leïla et Leïla parvinrent jusqu'au calife. Il voulut à toute force se faire des blessures et suivre la pompe funèbre. Jamais on n'aurait pu l'en dissuader si sa grande faiblesse lui avait permis de marcher, mais il tomba au premier pas et l'on fut obligé de le mettre au lit, où il resta plusieurs jours dans un état d'insensibilité qui faisait pitié, même à l'émir. Quand la procession fut arrivée à la grotte de Meïmouné, Chaban et Soutes les Mémés congédièrent tout le monde. Les quatre eunuques affidés restèrent avec eux, et après s'être reposés quelques moments auprès des cercueils, auxquels on avait laissé de l'air, ils les firent porter sur les bords d'un petit lac bordé d'une mousse grisâtre. Ce lieu était le rendez-vous des hérons et des cigognes qui pêchaient continuellement des petits poissons bleus. Les nains, instruits par l'émir, ne tardèrent pas à s'y rendre, et avec l'aide des eunuques, ils construisirent des cabanes de canne et de joncs, ouvrage dans lequel ils réussissaient à merveille. Ils élevèrent aussi un magasin pour les provisions, un petit oratoire pour eux-mêmes et une pyramide de bois. Elle était faite de bûches arrangées avec beaucoup d'exactitude et servait à l'entretien du feu, car il faisait froid dans le creux de ces montagnes. Vers le soir, on alluma deux grands feux sur le bord du lac. On tira les deux jolis corps de leur cercueil et ils furent posés doucement dans la même cabane sur un lit de feuilles sèches. Les deux nains se mirent à réciter l'Alcoran avec leurs voix claires et argentines. Chaban et Soutes les Mémés se tenaient debout à quelque distance et attendaient avec beaucoup d'inquiétude que la poudre eût fait son effet. Enfin, Nourouniar et Gulchenrouz étendirent faiblement les bras et, ouvrant les yeux, ils regardèrent avec le plus grand étonnement tout ce qui les entourait. Ils essayèrent même de se lever, mais les forces leur manquant, ils retombèrent sur leur lit de feuilles. Aussitôt, Soutes les Mémés leur fit avaler d'un cordial dont l'émir l'avait muni. Alors Gulchenrouz se réveilla tout à fait, éternua bien fort et se leva avec un élan qui marquait toute sa surprise. Lorsqu'il fut hors de la cabane, il huma l'air avec une extrême avidité et s'écria « Je respire, j'entends des sons, je vois un firmament semé d'étoiles, j'existe encore !» À ses accents chéris, Nourouniar se débarrassa des feuilles et courut serrer Gulchenrouz dans ses bras. Les longues simarres dont ils étaient revêtus, leurs couronnes de fleurs et leurs pieds nus, furent les premières choses qui frappèrent ses regards. Elle cacha son visage dans ses mains pour réfléchir. La vision du bain enchanté, le désespoir de son père et surtout la figure majestueuse de Batek lui roulaient dans l'esprit. Elle se ressouvenait d'avoir été malade et mourante aussi bien que Gulchenrouz, mais toutes ces images étaient confuses dans sa tête. Ce lac singulier, ses flammes réfléchies dans les eaux paisibles, les pâles couleurs de la terre, ses cabanes bizarres, ces joncs qui se balançaient tristement d'eux-mêmes, ces cigognes dont le cri lugubre se mêlait aux voix des nains, tout la convainquit que l'ange de la mort lui avait ouvert le portail de quelque nouvelle existence. Gulchenrouze, de son côté, dans des transes mortelles, s'était collé contre sa cousine. Il se croyait aussi dans le pays des fantômes et s'effrayait du silence qu'elle gardait. « Parle, lui dit-il enfin, où sommes-nous? Vois-tu ces spectres qui remuent cette braise ardente? Serait-ce Monkir et Nekir qui vont nous y jeter? Le fatal pont traversera-t-il ce lac, dont la tranquillité nous cache peut-être un abîme d'eau, où nous ne cesserons de tomber pendant des siècles? Non, mes enfants, leur dit Soutes les mémés en s'approchant d'eux, rassurez-vous. L'ange exterminateur qui a conduit nos âmes après les vôtres nous a assuré que le châtiment de votre vie molle et voluptueuse sera borné à passer une longue suite d'années dans ce triste lieu, où le soleil se montre à peine, où la terre ne produit ni fruits ni fleurs. Voilà nos gardiens, continua-t-elle en montrant les nains. Ils pourvoiront à nos besoins, car des âmes aussi profanes que les nôtres tiennent encore un peu à leur grossière existence. Pour tout mets, vous ne mangerez que du riz, et votre pain sera trempé dans les brouillards qui couvrent sans cesse le lac. À cette triste perspective, les pauvres enfants fondirent en pleurs. Ils se prosternèrent devant les nains, qui, soutenant parfaitement bien leur personnage, leur firent, selon la coutume, un discours bien beau et bien long, sur le chameau sacré qui devait, dans quelques milliers d'années, les porter au paradis des fidèles. Le sermon fini, on fit des ablutions, on loua Allah et le prophète, on soupa bien maigrement, et on s'en retourna aux feuilles sèches. Nourouniar et son petit cousin furent bien aises de trouver que les morts couchaient dans la même cabane. Comme ils avaient assez dormi, ils s'entretinrent le reste de la nuit de ce qui s'était passé, et cela toujours en s'embrassant de peur des esprits.